Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Et non, je n'aime pas le foot et vous avez de la chance, car si j'aimais le foot, je ne serais pas là pour la dernière émission de la saison. Prog à part, une émission bourrée de petites choses, de petites pépites comme on dit dans notre jargon, des pépites qui ont été rapportées par votre humble serviteur depuis le Prog Sud, qui a eu lieu donc le mois dernier, mais aussi de Londres, puisque j'étais à Londres jeudi dernier. Donc il y a de quoi s'en mettre plein les oreilles, et je le dis, vous avez de la chance que je sois devant le micro. Tout de suite, IQ, The Road of Bones. Un petit remerciement au passage à l'ami Jean-Louis. Il se reconnaîtra tout de suite, le tout dernier IQ. Miles around. will see this whole thing through. If I just keep my nerve, all the journeys I've retraced to return me to this place. IQ, The Road of Bones. Comme je dis très souvent à mes amis qui sont d'ailleurs anglophiles, à chaque fois que je vais en Grande-Bretagne et aussi en Irlande, notamment à Londres, c'est une grande bouffée d'air pur. D'abord, c'est du rock de partout. Ça reste le pays du rock et ça fait énormément de bien aux cages à miel. C'est le pays de la tolérance, le pays du vivre ensemble, du respect des différences, du respect de l'autre, de la convivialité. Et ça fait énormément de bien. Et quand on rentre la semaine dernière et qu'on entend les hélicoptères et qu'on voit des choses brûler, ça fait étrange. Je suis rentré émerveillé du Prog Sud, car cette année, le Prog Sud a été de grande beauté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu un feu d'artifice italien et nos amis du Prog Sud n'ont pas fait dans la dentelle puisqu'ils avaient invité pour le dernier soir, la crème de la crème, comme disent nos amis britanniques, les chanteurs des grandes formations, le chanteur de PFM, le chanteur de Léormé, le chanteur d'Ozana, rien que ça, il manquait malheureusement Il manquait malheureusement le chanteur de Banco. Ils lui ont fait un vibrant hommage. Donc ces trois Lascars étaient là pour nous reprendre, en plus de compositions originales au sein du groupe Alles Carpani, pour nous reprendre des grands classiques du prog italien. Ça a été de toute beauté, je reviens pas là-dessus. C'est du PFM, c'est du Hosanna, c'est du Leorme comme on l'aime. Mais je pense, ça a été l'avis notamment de mon ami Tim qui était présent cette année et encore, je pense que la révélation, ça a été Il Tempio delle Clepsidre, le temple de la Clepsidre, un jeune groupe très talentueux qui vient de Genève. Je retrouverai le nom français de ce port, Gênes, merci, de Gênes, ce port français, ce port italien très connu qui avait fait d'ailleurs la concurrence à Venise notamment, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ils venaient de Gênes et ils nous ont interprété l'essentiel de leurs deux albums et c'était de très haute volée. Je vous présente ce soir le premier, non pas le deuxième, même si le deuxième me paraît un peu plus réussi, le premier qui s'intitule pareil, Il Tempio delle Clepsidre. Pourquoi ? Parce qu'on a le chanteur du Museo Rosenbach, qui est parti entre-temps, qui chante sur cet album, qui a été un peu considéré comme une suite à Zarathustra, ce magnifique opus italien du prog italien. Donc, j'arrête de causer, tout de suite, un large extrait d'Il Tempio delle Clepsidre. Accompagna la mia solitudine. Notte dopo giorno, Il Tempio delle Clessidre, album éponyme italien de 2010. On passe très naturellement à Museo Rosenbach, puisqu'ils sont de retour avec un album somptueux, Barbarica. Barbarica, ça date de 2013, et ne cherchez pas, c'est normal, c'est le même chanteur. We'll be right back. Ah, je vous disais, Londres, quand on voit tous les festivals qui démarrent cet été avec que du beau monde, de mémoire, Tom Jones, 10cc, Black Sabbath, Neil Young, et j'en passe et des meilleurs. Pour tous les goûts, c'est du rock et on se régale. On se régale également car la jeune garde est là pour reprendre le flambeau du rock avec notamment Casabian, notamment, mais aussi réédition à tour de bras, notamment remasterisée des trois premiers Led Zeppelin, publicité dans le métro, rien que ça, publicité dans le métro, réédition également, et là je l'ai eu, merci Tania, de Deep Purple Made in Japan, double, remasterisé, que du bonheur, et bien sûr, l'inévitable Child in Time. Oh, child in time, you'll see the line. The line is drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker Sol, 100.7. Ne vous fiez pas aux apparences, le Brésil ce n'est pas que la bossa nova, la samba, la salsa, que sais-je encore. C'est aussi incroyable mais vrai, c'est aussi une terre rock'n'roll, une terre prog, une terre hard rock, heavy metal. Le progressif y a développé de somptueux groupes. On va en voir quelques-uns. Sachez que on fera pas le tour, hein, et qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais vous passer ceux qui me sont à cœur. Mais bon, Vous n'entendrez pas Angra, par exemple, même s'ils sont venus plusieurs fois sur Lyon. Par contre, on va démarrer tout de suite avec mon avis, à mon ami, le groupe phare du progressif brésilien, tant par la production que par la longévité. Je veux parler de Sagrado. Tout de suite, extrait d'une compilation que j'aime beaucoup, puisque j'étais derrière ce concept. Et oui, une œuvre de jeunesse. Seven Days of a Life, une compilation qui était un peu le penchant d'Enchantement. Rappeler cette compilation avec la crème des groupes français. Et bien là, avec mon ami Francis Gross, on avait voulu faire une compilation internationale autour des 7 jours de la vie d'un homme. Compilation de chez Musea, avec donc un morceau de Sagrado. Et j'aurais terminé en vous disant que ça date de 93. Our hands and hearts are ready to hold the sword, fight for justice, build a new world. Our words and science, all sounds and dreams, we'll live forever, no fear, no sins. We are so big light. We'll be right back. fire of your love. Our heads rest on our knees. We'll wait for the rising sun, sun, sun. Through the central sun of the universe. So, so, so, just a sigh from you. And you trust and wait. We have no more fear. We have no more doubt. Voice is bright and clear. We wanna hear it loud and sing. Hear the central sun. Sagrado. Après Sagrado, on passe à un groupe un petit peu plus jeune, Tempus fugit, c'est du latin, le temps s'enfuit. Leur premier opus s'intitule Tales from a Forgotten World, il date de 97. Tempus fugit. Lord of a thousand days. Quaterna Requiem. Thank you. Quaterna Requiem Vela Gravura, pardonnez mon accent très pauvre, vieille gravure, premier opus de ce groupe qui date de 1990. On remonte encore dans le temps et on va en 1983, pour les historiens du prog, c'est le début de Marillion. Eh bien, sévit à l'époque au Brésil un groupe légendaire intitulé Bacamarte. Bacamarte. Et voici un extrait de leur chef-d'œuvre Depois do Fim. Depois do Fim, Bacamarte. Petit problème technique, on va sauter Bacamarte, on reviendra dessus avec cette fois-ci le deuxième opus des Brésiliens de Tizaris. Tizaris, Once Humanity, et ça date de 1994. Tizaris, sur le 100.7, et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. We'll be right back. 35,000 years ago in some lost paradise called Eden. He rises from divine breath under the perplexed fears of the angels, a new branch of the animal realm. Homo sapiens. Entity conceived in God's own image? Would it be suffering for our unknown ancestor Adam's being beguiled by a serpent? Would it be agony for our having eaten from the tree of knowledge of good and evil? Will this be the odyssey imposed upon a race that considers itself superior when its 35,000 years of existence represents but a spark to be specified ages? From nothing we rose, and to nothing we shall return, simply to be created again. This is samsara. This is samsara. Bac à Marte, le voici, le voilà, du moins je l'espère, tout de suite sur le 100.7. Já se foram os quatro cavaleiros, terminada a terrível missão. Olha o que restou sobre a terra, se é a terra que olhamos agora, agora. Destino reservou. Se lembra das crianças que um dia vão nascer. Arranja uma pedra, nela temos que escrever palavras esquecidas com o tempo. Mensagem pro futuro, passado pro presente. Eh bien voilà, la technique a bien voulu suivre. Voilà, c'était l'émission de juin de Prog à part. On se retrouve en septembre, le lundi 1er septembre, même heure, même chaîne, ça s'invente pas. D'ici là, eh bien, passez un bel été, have a great summer, a progressive one, un été progressif bien sûr, multitude de concerts un peu partout en France et en Europe. Profitez-en, soutenez les artistes prog. Voilà, je vous tire ma révérence, je vous pète la miaille, comme on dit à Lyon. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif, proposée, présentée, réalisée par Thierry Sportouche, avec le soutien moral notamment de Michel Merle et de Jean-Louis Delacruz. Décidément, j'arrive même pas à envoyer le générique. Je pense que c'est la platine. Voilà, donc à très bientôt. Bye bye. Et bien sûr, vous retrouverez cette émission en podcast très très rapidement sur le site d'Acid Dragon. Ciao, ciao. see the dust that is flying from your hair flowing around, leaving the ground.